Bienvenue à l'inutile et insipide party du jour de l'an. On vous attendait pas. J'espère que vous amenez votre boisson. Non! Avez-vous au moins apporté un peu de manger? Bienvenue au suffisant et ronflant party du nouvel an. Grande dent. J'espère que vous ne resterez pas à coucher. Gros nez. Comme toujours, on va se souhaiter de la santé, de la santé, de la santé, de la santé, de la santé, tout en pensant. Ouais, t'as pas encore crevé, toi! Ouais! On va boire du champagne cheap, on va roter, on va se saouler. Les plus intelligents vont vite dire, bon, on va bien s'en aller. S'en aller, s'en aller, s'en aller. Ça, la tradition dans nos plats de maison. Vous voyagez un brin, prenez pas votre temps de perdre votre temps à Saint-Quentin. Si vous entrez, ben entrez donc. Mais mettez pas les pieds dans mon salon. Belle-mère a fait des cretons. Non, j'aimerais mieux bouffer du poison. Oh, ah, comme c'est gai dans nos veillées. Yeah, yeah, yeah. Surtout quand les manants sentent des pieds. Santé et flatulence, c'est comme ça la tradition dans nos pays.